les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En novembre 1955, Raymond Aron donnait à la Sorbonne le premier des grands cours desquels seraient tirés trois de ses plus célèbres ouvrages. Venant après 18 leçons sur la société industrielle et après la lutte des classes, les 19 leçons de son cours de l'année 1957-1958, publiées d'abord en 58 sous le titre « Sociologie des sociétés industrielles, esquisse d'une théorie des régimes politiques », furent éditées chez Gallimard en 1965 avec comme titre cette fois « Démocratie et totalitarisme ». Dans l'introduction qu'il donna à cette édition, Raymond Aron invitait le lecteur à ne pas oublier la période durant laquelle ce cours avait été professé 7 ans plus tôt, dans les tout derniers mois de la 4e République, juste avant le retour au pouvoir du général de Gaulle et le passage, dans la foulée, à la 5e République. Quelques décennies plus tard, cette même recommandation peut être adressée aux auditeurs d'aujourd'hui, puisque ces 19 leçons, miracle de l'enregistrement et de l'archivage radiophonique, nous pouvons encore les entendre comme les ont entendus ceux qui suivaient le cours du professeur Aron cette année-là. Dans la première d'entre elles, que nous allons écouter, Raymond Aron exposait ce que serait l'objet de son cours de l'année 57-58, s'arrêtant longuement sur le sens, ou plus exactement les sens, que l'on pouvait donner au mot « politique ». Aspect politique des sociétés modernes, première des 19 leçons données à la Sorbonne par Raymond Aron lors de l'année universitaire 1957-1958, un programme diffusé la première fois le 16 décembre 1957 sur Radio Sorbonne. Radiodiffusion Télévision Française, longueur d'onde 312 mètres. Faculté des lettres de l'Université de Paris. Veuillez écouter le cours de Monsieur le professeur Aron. Théorie sociologique des démocraties, aspect politique des sociétés modernes. Le cours que je compte vous faire cette année est en relation avec les deux cours des deux années précédentes. Aussi, je consacrerai cette première leçon à vous expliquer les liens entre les problèmes que j'ai traités l'année dernière, il y a 2 ans, et ceux que je compte traiter cette année. Le cours d'il y a 2 ans était centré autour des deux notions de société industrielle et de croissance. Et j'avais essayé de déterminer, d'une part, les différents types de sociétés industrielles, d'autre part, les différentes phases et les différentes méthodes de croissance. L'année dernière, j'avais quitté les problèmes strictement économiques et je m'étais rapproché de ce que l'on entend d'ordinaire par problème sociologique. J'avais en effet traité des classes sociales et des relations de classes sociales dans les différents types de sociétés industrielles. Cette année, je m'occuperai essentiellement de l'aspect politique des sociétés modernes. Et par conséquent, je suis amené dans cette première leçon à réfléchir quelques instants sur le, ou plutôt les sens, du terme politique. Les usages que l'on fait du concept de politique sont multiples. On parle de politique intérieure et de politique extérieure. On parle de la politique de Richelieu. On parle de politique académique. On parle de politique de l'alcool ou de la betterave. Et au premier abord, on risque de désespérer de trouver l'unité de ces emplois divers. Un auteur, M. Bertrand Jouvenel, dans un livre récent, a considéré que l'emploi du terme politique était à ce point divers et contradictoire que mieux valait renoncer à y apporter un ordre intelligible et choisir, par décision propre, un sens entre plusieurs sens possibles. Peut-être a-t-il raison, mais tout de même il m'a paru que l'on pouvait apporter un certain ordre dans ces emplois divers en fixant l'attention sur trois équivoques fondamentales qui, me semble-t-il, se révèlent à l'analyse comme des équivoques bien fondés. Vous savez qu'Auguste Comte aimait à comparer les sens multiples d'un même mot, et en général, il concluait que ces sens multiples étaient rattachés les uns aux autres, et que le fait que le même mot était pris dans des sens différents avait une portée réelle. Je vais essayer une analyse, si j'ose dire, dans le style d'Auguste Comte, c'est-à-dire je vais essayer de montrer que les différents usages du mot politique se justifient. La première équivoque sur laquelle je voudrais attirer votre attention est celle qui résulte du fait que le mot français politique sert à traduire deux mots anglais qui ont chacun une signification bien précise. En effet, la politique en français traduit à la fois ce que les anglo-saxons appellent « policy » et ce qu'ils appellent « politics ». On appelle « policy » une certaine conception, un certain programme d'action ou une action elle-même d'un individu, d'un groupe ou d'un gouvernant. Lorsque l'on parle de la politique de l'alcool, on désigne l'ensemble du programme d'action appliqué à un problème donné, qui est celui des excédents ou des déficits de la production d'alcool dans un pays déterminé. Quand on parle de la politique de Richelieu, on désigne la conception que Richelieu se faisait des intérêts du pays, les objectifs qu'il voulait atteindre et les méthodes qu'il voulait employer. Donc, en un premier sens, la politique désigne le programme, la méthode d'action ou l'action elle-même d'un individu ou d'un groupe. En un autre sens, la politique, politics en anglais, désigne le domaine dans lequel rivalisent ou s'opposent les politiques diverses au sens de policies. Je veux dire que la politique domaine est un lieu où, effectivement, vous avez aux prises une multiplicité d'individus ou de groupes qui ont chacun leur policy, c'est-à-dire leurs objectifs, leurs programmes, des objectifs à atteindre. Vous voyez immédiatement que ces deux sens du mot politique, bien qu'ils soient distincts, sont connexes. Effectivement, il manquerait quelque chose d'essentiel aux politiques définies comme programmes d'action si ces politiques ne se heurtaient pas à d'autres programmes d'action. Il est de l'essence de la politique domaine que dans celui-ci ou dans celle-ci se heurtent des politiques, programmes d'action ou objectifs qui ne sont pas nécessairement concordants. Mais puisque ces programmes d'action ne sont pas nécessairement concordants, la politique domaine comporte un élément de rivalité et de lutte, mais comporte aussi nécessairement un élément d'entente, car si les politiques, c'est-à-dire les buts visés par les différents individus ou groupes à l'intérieur d'une collectivité globale était exclusivement contradictoire, il y aurait lutte sans accord et il n'y aurait pas de collectivité. La collectivité politique se définit donc par la composition de plans d'action partiellement contradictoires et partiellement associés. On peut dire encore d'une autre façon que ceux qui gouvernent ont des politiques définies par des programmes d'action, mais que ces politiques ne peuvent être réalisées qu'en obtenant le concours d'individus multiples et que ces programmes d'action s'opposent toujours à d'autres conceptions ou programmes d'action d'autres individus ou groupes dans la société considérée. Il y a une tendance à penser que la politique programme d'action est noble et que la politique conflit des programmes d'action des individus et des groupes est basse. Vous savez qu'on parle volontiers de politique lorsqu'il y a conflit entre les individus et les groupes. Mais l'idée qu'il pourrait y avoir politique, c'est-à-dire choix d'un programme d'action par les gouvernants, sans conflit avec d'autres programmes d'action, est, comme nous le verrons dans la suite, une idée fausse. La deuxième équivoque de l'usage du concept de politique est celle qui tient au fait que le même mot désigne à la fois la réalité et la conscience que nous prenons de cette réalité. Effectivement, on parle de politique à la fois pour désigner le conflit des partis et pour désigner la connaissance qui est appliquée au conflit des partis. Cet équivoque de la réalité et de la conscience d'elle-même est la transposition d'une équivoque semblable que l'on retrouve dans le cas du mot « histoire ». Vous savez en effet que le même mot « histoire » désigne la succession des sociétés ou des temps et la connaissance que nous prenons de cette succession. Eh bien, de même, le mot « politique » désigne à la fois le domaine et la connaissance que nous avons de ce domaine, et je pense que dans les deux cas, l'origine de cet équivoque est la même. On emploie le même mot pour désigner la réalité et la connaissance que nous en prenons, parce que la conscience de la réalité est partie de la réalité elle-même. Il y a histoire, au sens fort du terme, dans la mesure où les hommes ont conscience de leur passé, de la distinction entre le passé et le présent, et veulent reconnaître la diversité des temps historiques. De la même façon, il n'y a pas de politique domaine concevable sans un minimum de conscience ou de connaissance de ce domaine. Effectivement, dès qu'il y a une collectivité, il faut que les individus sachent approximativement, d'une part, quels sont les hommes qui commandent, comment ces hommes sont recrutés, quel est le mode d'exercice de l'autorité. En d'autres termes, tout régime politique suppose de la part des individus qui lui sont intégrés la connaissance de ce régime même. Nous ne pourrions pas vivre dans la démocratie telle que nous la pratiquons en France si les citoyens n'avaient un minimum de connaissance ou de conscience des règles selon lesquelles le régime fonctionne. Il en résulte que la politique connaissance est le développement de la conscience de la politique intégrée à la réalité politique et que toute connaissance politique se heurte au problème du conflit possible entre la politique dans laquelle nous vivons et les autres politiques possibles. En effet, nous vivons dans un certain régime. Mais dès que nous cessons de faire l'éloge de notre régime, dès que nous sortons de la conviction naïve que ce régime est soit le meilleur de tous les régimes possibles, soit même le seul régime concevable, nous nous heurtons au fait élémentaire qu'il y a d'autres façons d'organiser les régimes politiques que la nôtre. D'où le fait que la connaissance politique, dès qu'elle sort de la défense et illustration du régime de fait, se heurte à un problème fondamental qui est celui soit de supprimer toute espèce de conception de valeur et de dire « nous faisons les choses de telle manière, les autres la font d'une autre et je m'abstiens de porter un jugement » sur la valeur relative de nos méthodes et des autres, soit elle doit trouver un critère pour déterminer Quel est le régime le meilleur ou quel doit être le régime? Il en résulte que le fait que la conscience de la politique est intégrée à la réalité politique pose le problème de la relation entre jugement de fait et jugement de malheur de manière infiniment plus urgente que lorsqu'il s'agit de réalité naturelle où la conscience et la conscience de valeur n'est pas partie de la réalité elle-même. La troisième équivoque, et qui est la plus importante, est celle qui résulte du fait qu'on désigne par le même mot de politique, d'une part, un secteur particulier de l'ensemble social et, d'une certaine façon, l'ensemble social lui-même observé à un certain point de vue. Voici ce que je veux dire. Quand vous parlez de la politique et de la sociologie de la politique, vous songez à certaines institutions telles que, dans les sociétés modernes, les partis, le Parlement, l'administration. Ces institutions sont des institutions entre d'autres. Elles constituent à la rigueur un système, mais un système partiel par rapport au système de la famille ou au système religieux ou au système du travail. En ce sens, la politique est une partie de l'ensemble social. Mais cette partie, ce secteur de l'ensemble social a une particularité. C'est qu'il sert à déterminer le choix de ceux qui gouvernent l'ensemble de la collectivité et le mode d'exercice de l'autorité de ceux qui gouvernent. Autrement dit, il s'agit d'un secteur partiel de l'ensemble social dont les répercussions sur l'ensemble sont immédiatement visibles. Vous pourriez dire que l'ensemble économique a aussi des conséquences sur les autres parties de la réalité sociale, et ce serait vrai. Mais l'ensemble politique a une particularité. C'est que la détermination de ceux qui gouvernent et du mode d'exercice du gouvernement est la détermination de ceux qui ont une autorité qui s'exerce sur l'ensemble de la collectivité. Autrement dit, les gouvernants d'une société ne gouvernent pas simplement les partis ou les parlements, ils gouvernent la vie économique et ils ont le droit de prendre des décisions relatives à tous les secteurs de l'ensemble social. Il en résulte donc que la politique désigne deux aspects différents de la réalité sociale. Elle désigne d'une part un système partiel et elle désigne d'autre part le système de gouvernement qui s'applique à l'ensemble de la collectivité. Du fait que la politique s'applique à un système social qui détermine les gouvernants et le mode d'exercice du gouvernement, la politique a fini par être entendue en un sens très large parce que le mode d'exercice de l'autorité se répercute sur tous les aspects de la vie collective et d'une certaine façon commande toute la vie sociale. On pourrait encore présenter ce lien entre le secteur partiel et l'ensemble social de la manière suivante. Toute coopération entre les hommes implique une certaine autorité. Le mode d'exercice de l'autorité et le choix des gouvernants est l'essence même de la politique. Il en résulte donc que la politique est la caractéristique majeure de la collectivité tout entière, puisqu'elle est la condition de toute coopération entre les hommes. Ces trois équivoques, si ces analyses sont exactes, sont donc, pour ainsi dire, des équivoques intelligibles et bien fondés. Le lien entre la politique programme d'action et la politique domaine résulte du fait que le domaine est le lieu où s'opposent les programmes d'action. Le lien entre la politique réalité et la politique connaissance vient du fait que la connaissance est partie intégrante de la réalité elle-même. Et enfin, la politique système partiel ou la politique aspect englobant de la collectivité tout entière vient du fait que ce système partiel exerce sur l'ensemble de la collectivité une influence dominante. Allons plus loin. La politique, au fond, c'est d'abord et avant tout la traduction du terme grec « politéia ». La politique, c'est par essence ce que les Grecs appelaient le régime de la cité, c'est-à-dire le mode d'organisation du commandement considéré comme caractéristique du mode d'organisation de la collectivité tout entière. Si la politique, c'est essentiellement le régime de la collectivité tout entière ou son mode d'organisation, nous comprenons l'équivoque du sens limitatif et du sens englobant. En effet, le sens limitatif s'applique au système particulier qui détermine les gouvernants et le mode d'exercice de l'autorité, mais simultanément, le mot peut s'appliquer à l'ensemble des modes de coopération des individus à l'intérieur de chaque collectivité. Deuxièmement, l'équivoque numéro 2 découle de la première, puisque si chaque société a un régime, on ne peut pas prendre conscience de sa réalité sociale, de la réalité sociale à laquelle on appartient, sans acquérir la conscience de la diversité des régimes et du problème posé par cette diversité. Enfin, le domaine de la politique est celui qui concerne le régime de la cité, de telle sorte que l'équivoque entre les programmes d'action et le domaine devient intelligible. En effet, la politique, au sens de programme d'action, peut avoir de multiples modalités. Il peut y avoir la politique de ceux qui possèdent l'autorité et qui l'exercent d'une certaine manière. Il y a en deuxième lieu la politique de ceux qui ne détiennent pas l'autorité et qui veulent l'acquérir, ce qui est un aspect fondamental de la politique domaine. Dans toute collectivité, il y a ceux qui détiennent l'autorité et ceux qui voudraient l'acquérir. Troisièmement, il y a les individus ou les groupes qui ont une politique, c'est-à-dire qui ont des objectifs propres et qui veulent atteindre ces objectifs en employant certaines méthodes. Enfin, il y a la politique de ceux qui visent à modifier le régime lui-même. Toutes ces politiques représentent des programmes d'action partiels ou globaux, selon qu'il s'agit d'objectifs intérieurs au régime ou d'objectifs qui concernent le régime lui-même, programmes d'action susceptibles d'être exécutés parce qu'ils sont ceux des gouvernants, ou programmes d'action qui se heurtent constamment à des obstacles parce qu'ils sont ceux d'individus ou de groupes particuliers. Si cette analyse relativement complexe est exacte, je pense que vous voyez que ce qui est essentiel, c'est l'équivoque du sens limitatif et du sens englobant. Cet équivoque, il faut bien la comprendre en saisissant le fait que la politique, secteur particulier de l'ensemble social, est en même temps le déterminant du mode d'organisation de la société globale. Si l'on comprend le lien entre la politique, ensemble constitué par les partis, le Parlement, l'administration, et la politique, mode d'organisation de la collectivité tout entière et du mode d'exercice de l'autorité, on comprend la multiplicité des sens dans lesquels le mot peut être employé, car à partir de l'équivoque du sens limitatif et du sens englobant, on comprend l'équivoque de ce que j'ai appelé la politique programme d'action et la politique domaine. Je vous ai dit, il y a quelques instants, que la politique ne désignait pas seulement un secteur partiel de l'ensemble social, mais aussi à un aspect englobant de la collectivité tout entière. S'il en est ainsi, il semble que nous admettions une espèce de primat de la politique. Or, ce cours sur la politique succède à un cours sur l'économie et à un cours sur les classes sociales. Il semble donc que ce que je suis en train d'expliquer, à savoir un certain primat de la politique, soit contradictoire avec la méthode que j'ai suivie jusqu'à présent. Je voudrais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de contradiction. J'étais parti, vous vous en souvenez, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, de l'opposition entre la pensée de Tocqueville et la pensée de Marx. Tocqueville considérait que le mouvement qui entraînait l'ensemble des sociétés modernes était le mouvement démocratique, et il entendait par là l'effacement des distinctions de statut et de conditions entre les individus. Ce mouvement irrésistible pouvait, d'après lui, aboutir à deux sortes de sociétés, une société égalitaire et despotique, une société égalitaire et libérale. Tocqueville nous avait fourni un point de départ et un problème, et je m'étais borné à dire, nous verrons, après avoir étudié le développement de la société industrielle, dans quelle mesure il y a probabilité que l'une ou l'autre forme de société se réalise. Deuxièmement, Marx, lui, cherchait dans les transformations de l'économie l'explication fondamentale des transformations sociales et politiques. Il pensait que les sociétés capitalistes étaient affectées de contradictions fondamentales, que par conséquent, elles iraient vers une explosion révolutionnaire, et qu'au-delà de l'explosion révolutionnaire, interviendrait un régime socialiste, société homogène, société sans classe, où l'organisation politique, non déterminée d'ailleurs par Marx dans le détail, tendrait à disparaître, puisque l'État étant à ses yeux l'instrument de l'exploitation d'une classe par une autre, le jour où la distinction des classes aurait disparu, le besoin même de l'État s'effacerait. Nous avions pris ces deux problèmes sans impliquer le moins du monde la réponse que nous y donnerions. Autrement dit, j'avais pris pour point de départ le problème Marx ou Tocqueville, non pas du tout parce que je supposais que les transformations de l'économie déterminaient nécessairement soit la structure sociale, soit l'organisation politique, mais au contraire parce que je voulais me demander si cette détermination unilatérale intervenait. Autrement dit, il s'agissait d'un ordre méthodologique et non pas du tout un ordre doctrinal. Or, le fait est que les résultats auxquels je suis arrivé il y a 2 ans et l'année dernière revenaient bien plutôt à nier les présuppositions doctrinales que l'on aurait pu tirer de l'ordre que j'avais adopté. Effectivement, il y aurait eu doctrine si j'avais dit « je commence par analyser la croissance économique, parce que la croissance économique est le fait fondamental qui va déterminer les relations de classe sociale et l'organisation de la politique. » Mais en fait, j'avais commencé par la politique, par l'économie, parce que l'économie me permettait de saisir un certain type de société, la société industrielle, et dans cette société industrielle, j'avais laissé la question ouverte de savoir si un certain état de développement économique déterminait unilatéralement ou non soit une certaine relation de classe, soit une certaine organisation politique. Or, le fait est que, dans le cours des recherches que j'ai poursuivies dans les 2 dernières années, j'ai bien plutôt découvert la priorité des phénomènes politiques, même par rapport aux phénomènes économiques que j'ai étudiés. En effet, les 2 types fondamentaux de sociétés industrielles que j'ai analysées il y a 2 ans était la société soviétique et, en gros, la société de type occidental. Or, à l'origine de la société industrielle de type soviétique, on trouve, d'abord et avant tout, un événement politique, à savoir une révolution. La révolution de 1917 a eu des causes multiples, dont certaines peuvent être d'ordre économique. Mais fondamentalement, le type de société soviétique que nous avons analysé a eu pour origine directe, historiquement, un fait d'ordre politique. Et je crois qu'on a toutes les raisons d'insister sur l'adjectif politique, puisque, d'après ceux-mêmes qui ont fait la révolution, les conditions de maturité économique nécessaires n'étaient pas réalisées. Deuxièmement, les caractéristiques majeures de l'économie de type soviétique dérivaient du pouvoir du parti et des idées que se font de l'ordre juste les dirigeants du parti communiste. En d'autres termes, on ne peut pas comprendre ni le mode de planification, ni la répartition des ressources collectives, ni le rythme de croissance de l'économie soviétique, si l'on ne se souvient pas que tous ces phénomènes sont déterminés par la représentation que les communistes se font de ce que doit être une économie et des objectifs qu'ils se proposent à chaque instant. Il s'agit donc d'une décision d'ordre politique et au sens fort du terme politique, puisqu'il s'agit non seulement du plan d'action des dirigeants communistes, mais du plan d'action relatif à l'organisation de la collectivité ou à la puissance qu'ils veulent atteindre. Troisièmement, la planification de l'économie soviétique est le résultat direct de décisions prises par les dirigeants du parti, c'est-à-dire de décisions prises dans le système social particulier que l'on appelle politique, et de décisions prises en fonction de considérations d'ordre politique. Il en résulte donc que l'économie soviétique est, au suprême degré, fonction à la fois du régime politique de l'Union soviétique et des programmes d'action politique des dirigeants du parti à chaque instant. Cette politisation de l'économie soviétique, ou cette subordination de la structure et du fonctionnement de l'économie soviétique à des considérations politiques, est la preuve que s'il y a peut-être détermination de la politique par l'économie, il y a au moins autant détermination de l'économie par la politique. À l'Ouest, la politisation de l'économie nous est curieusement apparu moins poussé. Je dis curieusement, puisque l'idéologie dont se réclame le régime soviétique est une idéologie qui pose le primat de l'économie. L'idéologie dont se réclament les régimes occidentaux est une idéologie qui pose le primat de la politique. Mais en fait, l'idéologie soviétique est beaucoup plus politisée que l'économie occidentale, car il fait partie de la représentation que les occidentaux se font de la bonne société, qu'un grand nombre de décisions importantes pour l'économie soient prises en dehors du secteur politique au sens limitatif du terme. Par exemple, la répartition des ressources collectives entre investissement et consommation, qui est déterminée dans le régime soviétique par les décisions des planificateurs, est en Occident le résultat le plus souvent involontaire d'un grand nombre de décisions prises par le sujet économique. Si donc l'économie occidentale est l'effet d'une certaine politique, l'économie occidentale est l'effet d'un système politique qui accepte sa propre limitation. Je veux dire que la représentation de ce que doit être la société qui commande à l'Occident est telle qu'on laisse le système économique fonctionner selon ses lois propres dans une large mesure. En ce qui concerne les classes sociales, la politisation nous est apparue encore plus grande qu'en ce qui concerne l'économie elle-même. En effet, nous avons constaté que dans toutes les sociétés, aussi bien soviétiques qu'occidentales, il y a hétérogénéité. Hétérogénéité des individus, hétérogénéité des groupes. Il y a une hiérarchie d'autorité, il y a une hiérarchie de revenus, il y a une distinction dans les manières de vivre entre ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut de la hiérarchie sociale. Il se forme des groupes plus ou moins nettement accusés entre les individus qui ont des revenus analogues, des façons de penser ou des façons de vivre analogues, et toutes les sociétés, qu'elles soient soviétiques ou occidentales, se dissocient en ces groupes plus ou moins accusés. Mais plus ou moins accusés. Quand on arrivait à la question fondamentale, dans quelle mesure existe-t-il ou non des classes distinctes, c'est-à-dire dans ces groupes, conscience d'appartenir à une classe déterminée et résistance de ces groupes sociaux à la société globale, nous nous heurtions à une difficulté fondamentale. D'un côté, les groupes ont le droit de s'organiser. D'un côté, les ouvriers ont le droit de constituer des syndicats, de choisir les secrétaires de syndicats. Tous les groupes d'intérêts ont le droit, dans une société démocratique de type occidental, de s'organiser et de se défendre. Dans une société de type soviétique, aucun groupe d'intérêts n'a le droit de s'organiser. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de groupe. Il y a certainement de grandes distinctions entre les individus et les groupes d'individus. Mais le fait fondamental qui nous a frappé dans la comparaison entre une société de type soviétique et une société de type occidental, c'est que d'un côté, les groupes ont le droit de s'organiser et prennent conscience d'eux-mêmes dans leur organisation. De l'autre côté, les groupes n'ont pas le droit de s'organiser et par conséquent ont la plus grande difficulté à devenir conscients d'eux-mêmes. Donc, d'un côté, vous avez une masse sociale hétérogène à beaucoup d'égards, mais qui ne se dissocie pas en groupes organisés et conscients d'eux-mêmes. De l'autre côté, vous avez la dissociation de la masse sociale en groupes d'intérêts ou groupes idéologiques extrêmement nombreux, tous ayant le droit d'avoir une organisation, de choisir leurs représentants, de défendre leurs idées et de combattre les uns contre les autres. Or, cette différence fondamentale entre le droit d'organisation sectionnelle et le refus du droit d'organisation sectionnelle est une différence politique. On ne peut pas comprendre que dans un type de société, les classes s'affirment elles-mêmes dans leur réalité et dans l'autre n'existent en apparence pas si l'on ne se souvient pas que d'un côté, le régime politique tolère l'organisation de groupes multiples et que de l'autre côté, il l'interdit. Autrement dit, la conclusion peut-être la plus importante du cours de l'an dernier, c'est que le problème des classes sociales ne peut absolument pas se traiter abstraction faite du régime politique, car c'est le régime politique, c'est-à-dire l'organisation du pouvoir, l'organisation des relations d'autorité et la conception que les gouvernants se font des relations d'autorité qui détermine l'existence ou l'inexistence de relations de groupe et de conscience de groupe. Dès lors, la question des classes sociales, bien loin d'être dominante par rapport à la question politique, ne peut être exactement pensée que par rapport au régime politique. Ce qui, de même que l'économie nous conduisait à trouver la volonté politique à l'origine du système, nous permet de retrouver un certain mode d'exercice de l'autorité et un certain régime politique à l'origine du problème des classes sociales, du degré de conscience de classe, du degré de perméabilité des groupes sociaux à la société globale. Ce primat de la politique, dont j'ai parlé plusieurs fois, en quel sens faut-il l'entendre? Et je voudrais, sur ce point, éviter toute espèce d'équivoque. Premièrement, il n'est pas question de substituer à la doctrine d'une détermination unilatérale de la société par l'économie, une doctrine tout aussi unilatérale de la détermination de la société par la politique. Pas plus qu'il n'est vrai que la technique, le degré de développement des forces économiques ou la répartition des ressources collectives ne déterminent l'ensemble de la société, pas davantage, il n'est vrai, que l'on peut déduire toutes les caractéristiques de la société, de l'organisation des pouvoirs politiques. On peut même aller plus loin. Il est, à mon avis, facile de démontrer que toute théorie unilatérale de la détermination de l'ensemble social par un aspect de la réalité collective est fausse. On peut le démontrer de multiples manières. De manière sociologique, on peut montrer qu'il n'est pas vrai qu'une certaine économie étant donnée, il s'ensuit un régime politique et un seul. Une théorie de la détermination de la politique par l'économie supposerait que, un certain état de l'économie étant connu, on puisse prévoir l'état de la politique. Eh bien, ce n'est pas vrai. Si vous supposez un certain état du développement des forces économiques, vous pouvez probablement avoir différentes modalités de l'organisation des pouvoirs publics. De la même façon, si vous vous donnez par la pensée une certaine organisation des pouvoirs politiques, un certain type de régime parlementaire, il n'en résulte pas que vous puissiez, à partir de là, prévoir ce qu'est exactement l'organisation de l'économie. Deuxièmement, la démonstration peut être faite, non pas dans le style sociologique, en fonction de généralité, mais de manière historique. On peut montrer que, historiquement, à partir d'un certain événement, on peut toujours remonter à des causes, et que jamais aucune cause n'est première, jamais les conséquences d'un événement ne peuvent être à l'avance arrêtées. Autrement dit, la formule « en dernière analyse, tout s'explique soit par l'économie, soit par la démographie, soit par la politique », toute formule de « en dernière analyse » est radicalement dépourvue de signification. Si vous prenez, par exemple, l'état de la société soviétique aujourd'hui, vous pouvez remonter jusqu'à la révolution soviétique de 1917. Au-delà, vous pouvez remonter au régime tsariste et vous pouvez continuer à remonter indéfiniment, trouvant à chaque étape tantôt des facteurs politiques, tantôt des facteurs économiques. Même la notion d'un certain ordre de cause est plus important que les autres est une notion équivoque. Supposons par exemple que l'on dise que les causes d'ordre économique sont plus importantes que les causes d'ordre politique. Qu'est-ce qu'on voudrait dire par là? Plus importantes pour qui? Prenons, si vous voulez, une société de type soviétique. Dans une société de type soviétique, les garanties de liberté pour les individus sont faibles. En revanche, vous pouvez avoir la garantie du travail, l'absence de chômage et un rythme rapide de croissance. Si vous dites l'économie est essentielle parce qu'elle vous permet de supprimer le chômage ou parce qu'elle vous permet d'avoir un rythme rapide de croissance, en ce cas, vous dites la cause économique est importante par rapport à un certain facteur. c'est-à-dire par rapport à l'intérêt que vous attachez au fait que le chômage a disparu ou que le rythme de croissance est rapide. Mais si vous considérez que le phénomène important, c'est la liberté pour les professeurs de discuter des mérites relatifs des économies planifiées et des économies non planifiées, certainement il est plus important de savoir quel est le régime politique que de savoir quel est le taux de croissance. Autrement dit, la notion de « important » ne prend de signification précise que si vous dites « important par rapport à quoi ». Donc il n'y a pas d'importance dans l'abstrait, il y a l'importance par rapport à l'intérêt que vous prenez au phénomène, et l'intérêt peut changer selon la personne de l'observateur. Dès lors, que signifie le primat de la politique que j'ai suggéré, ou que signifie la formule d'une certaine priorité de la politique par rapport aux autres aspects de la réalité sociale? Eh bien, ce primat ou cette priorité peut être interprétée de deux manières, comporte deux significations. Premièrement, à notre époque, si nous comparons les différents types de sociétés industrielles, je pense que l'on peut démontrer que la caractéristique propre de chaque type de société industrielle est liée à la politique. Du même coup, je retrouve simplement une idée d'Alexis de Tocqueville. Tocqueville, lui, disait « Toutes les sociétés modernes sont démocratiques, c'est-à-dire comportent l'effacement progressif des distinctions de classe ou des statuts personnels, mais ces sociétés démocratiques peuvent avoir une modalité despotique ou tyrannique ou une modalité libérale. Personnellement, je dirais, les sociétés industrielles modernes, qui comportent certaines caractéristiques communes, répartition de la main-d'œuvre, croissance des ressources collectives, se différencient avant tout par l'organisation des pouvoirs publics, entraînant à sa suite certaines modalités d'organisation de l'économie et certains types de rapports sociaux. En tout cas, dans le siècle où nous vivons et à l'époque où nous sommes, tout se passe comme si, dans le genre appelé société industrielle, c'était l'organisation de la politique qui déterminait les différentes espèces. Les différences majeures entre une société de type soviétique et une société de type occidental sont d'ordre politique. Différence majeure d'ordre politique, ce qui signifie que le mode de détermination des gouvernants n'est pas le même, que le mode d'exercice de l'autorité n'est pas le même, que les rapports d'autorité ne sont pas les mêmes, et que le style de la vie en commun tout entier est modifié par les différences marquées de la politique considérée comme un système partiel. Autrement dit, les sociétés globales sont différentes parce que les systèmes partiels de la politique sont fondamentalement différents et que la différence de ces systèmes partiels rejaillit sur l'ensemble de la collectivité, détermine le style de vie en commun des individus dans les différentes sociétés. Le deuxième sens dans lequel je prends le primat de la politique est un sens humain. Il est parfaitement vrai que, selon l'observateur, on considérera que la production globale ou la répartition des ressources est le phénomène fondamental. Mais, par rapport à l'homme, on peut dire que la politique est plus importante que l'économique, pour ainsi dire, par définition, parce que la politique désigne plus directement la manière de vivre des hommes. Effectivement, les philosophes ont toujours considéré, c'est une espèce de banalité, que la vie humaine est définie par les relations entre les individus. Vivre humainement, c'est vivre d'une certaine façon avec et à l'égard des autres hommes. Donc, les relations des hommes entre eux sont, pour ainsi dire, le phénomène fondamental de toute collectivité. Or, l'organisation de l'autorité détermine plus directement la façon de vivre des hommes en collectivité que tout autre aspect de la société. Entendons-nous bien, la politique au sens limitatif, c'est-à-dire le secteur particulier dans lequel sont choisis les gouvernants et dans lequel agissent les gouvernants, ne détermine pas toutes les relations des hommes entre eux dans la collectivité. Il y a en effet des relations entre les individus dans la famille, il y en a dans les églises, il y en a dans le travail, et ces relations humaines ne sont pas intégralement déterminées par l'organisation de l'autorité dans le secteur particulier que l'on appelle politique. Mais même si l'on n'admet pas la conception que les philosophes grecs se faisaient, à savoir que la vie essentiellement humaine est la vie politique, il n'en reste pas moins que le mode d'exercice de l'autorité, le mode de recrutement des chefs, est le facteur le plus important pour déterminer le style des relations entre les individus. Or, dans la mesure où le style des relations entre les individus est la définition même de l'existence humaine, la politique est plus proche de ce qui doit retenir avant tout l'intérêt du philosophe et du sociologue que tout autre secteur particulier de la collectivité. Cette priorité ou ce primat est donc quelque chose de parfaitement limité. Ce n'est à aucun degré un primat causal. J'entends par là qu'un grand nombre de phénomènes économiques peuvent déterminer la forme que prend dans une société donnée l'organisation des pouvoirs publics. Je ne dis pas du tout que les pouvoirs publics déterminent l'économie sans être déterminés par eux. Toute notion de détermination unilatérale serait dénuée de signification. D'autre part, je ne dis pas qu'on doit s'intéresser à la lutte des partis ou à la vie parlementaire plus qu'à l'organisation de la famille ou à l'organisation des églises. Tous ces différents aspects de la vie sociale sont plus ou moins intéressants selon qu'on s'y intéresse plus ou moins, et il faudrait une philosophie rigoureuse pour déterminer s'il y a ou s'il n'y a pas une hiérarchie entre ces différents aspects de la réalité sociale. Mais ce qui est vrai, c'est que le secteur social, qui au sens limitatif est la politique, est celui qui détermine à la fois qui commande et selon quelle procédure on commande. Ce style d'autorité se reflète dans l'ensemble du style de la collectivité et par conséquent, ce secteur particulier de la vie sociale est celui qui est le plus proche de nous révéler le caractère humain ou non humain de la collectivité tout entière, puisque l'humanité ou la non-humanité d'une organisation collective dépend du style des relations entre les individus. Autrement dit, nous retrouvons dans une large mesure la proposition qui était la proposition de toutes les philosophies politiques, ou disons de tous les philosophes du passé lorsqu'ils s'appliquaient à la politique. Ils étaient effectivement convaincus que lorsqu'ils étudiaient l'organisation de l'autorité, ils étudiaient en même temps l'essence même de la collectivité. La conviction que l'étude de l'autorité et l'étude de l'essence de la collectivité tient certainement à deux convictions. La première est qu'il n'y a pas de vie sociale complexe sans une autorité organisée. Et la deuxième est que le style de l'autorité est caractéristique de l'humanité des relations sociales. Effectivement, les hommes ne sont humains que s'ils obéissent humainement ou s'ils commandent humainement. Tous les philosophes ont toujours pensé qu'en étudiant la structure de l'autorité dans une collectivité donnée, ils étudiaient en même temps l'essence de la collectivité. Lorsque Rousseau développait la théorie du contrat social, il déterminait à la fois l'origine logique, si je puis dire, de la collectivité et l'origine légitime du pouvoir. Eh bien, le lien entre la légitimité de l'autorité et le fondement de l'humanité d'une collectivité, ce lien était caractéristique de toutes les philosophies politiques et je pense qu'on peut les reproduire aujourd'hui. Cela dit, le but de ces leçons ne sera pas de développer une théorie soit de l'origine de l'autorité légitime, soit des conditions auxquelles l'exercice de l'autorité est humain. Le but de ces leçons sera d'étudier le secteur particulier de la collectivité qui est la politique au sens limitatif du terme, mais simultanément de voir l'influence que la politique au sens limitatif du terme exerce sur l'ensemble de la collectivité, autrement dit de suivre la dialectique du sens limitatif et du sens englobant de la politique, et de voir la dialectique du sens limitatif et du sens englobant, à la fois sur le plan des relations causales et sur le plan des caractéristiques essentielles de la vie collective. Je m'efforcerai de déterminer quels sont les types fondamentaux de régimes politiques que nous pouvons observer dans les sociétés industrielles modernes, et je les étudierai comme j'ai étudié dans les deux années précédentes les types de sociétés industrielles au sens économique du terme et les types d'organisations sociales, mais cette fois il s'y ajoutera quelque chose de plus, puisque l'intention ne sera pas seulement de suivre la différence, l'opposition entre des régimes de partis multiples et le régime de partis uniques, mais ce sera de suivre aussi les prolongements en quelque sorte indéfinis du fait que un certain régime se trouve établi d'un côté et un autre de l'autre, c'est-à-dire que l'on a des deux côtés une conception différente de ce que doit être le choix des gouvernants, de ce qu'est le pouvoir accordé aux gouvernants, de ce qu'est le mode d'exercice de l'autorité. En d'autres termes, le but sera d'étudier le système particulier qui s'appelle la politique pour voir dans quelle mesure les philosophes du passé avaient raison de croire que la caractéristique fondamentale des différentes collectivités est l'organisation des pouvoirs. Vous venez d'entendre le cours de M. le professeur Aron, Théorie sociologique des démocraties, aspect politique des sociétés modernes. Radiodiffusion Télévision Française, longueur d'onde 312 mètres, Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Ce programme a été diffusé la première fois le 16 décembre 1957 sur Radio Sorbonne. À suivre, téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.